Aïe aïe aïe, Lil Sin. Ok. Ouais, c'est la teuf ce soir, ouais. Fais la fête. Tu danses, tu bouges, vas-y bouge ton boule. Tu danses, tu bouges, ce soir c'est la boule. Tu danses, tu bouges, vas-y bouge ton boule. Tu danses, tu bouges, ce soir c'est la boule. DJ Lee le club, ce soir c'est la teuf. Ici y a pas de meubles, mais y a que des meufs. Faites vibrer la piste, oui ici c'est mieux. L'entrée est gratuite et interdite aux vieux. C'est pas un peu ringard, ici tu peux boire. Y'a pas d'alcotest, mais y'a du sexe. À la façon zouké, tout est toujours ok. Si t'es mal habillé, va te relooker. Dans un coin ça tchatche, pour former un beau patch. Fais gaffe si tu te tâches, et là c'est le smash. Bienvenue dans mon club, et pas dans un bar pub. Son chaud, ici il fait chaud. Vas-y bouge ton boule, fais vibrer la foule. Fais gaffe si tu te saoules, si tu zoukes et pas de la soule. Les filles ont excité, coupées et calées. Pour Lio, Annecy, jusqu'au nord, pas de Calais. Tu danses, tu bouges, vas-y bouge ton boule. Tu danses, tu bouges, ce soir c'est la boule. Tu danses, tu bouges, vas-y bouge ton boule. Tu danses, tu bouges, ce soir c'est la boule. La soirée se termine, car les flics rappliquent. Donc je les extermine, et leur mère déclique. Merci DJ Jam pour cette soirée. Tout le monde s'est saoulé et sans déraper. Danse le son et danse notre son. Fais vibrer les caissons et sans concession. Allez les gars, faites le premier pas. Guédra et sans faire de dégâts. Bonjour, vous avez quel âge? 50 ans pourquoi? Non, ça sera pas possible monsieur, c'est une soirée de jeunes. C'est pas possible, j'ai 50 ans pour rentrer non? Non, vous avez qu'à circuler s'il vous plaît. Oh putain et puis merde. Tu danses, tu bouges, vas-y bouge ton boule. Tu danses, tu bouges, ce soir c'est la boum. Tu danses, tu bouges, vas-y bouge ton boule. Tu danses, tu bouges, ce soir c'est la boum. Dans un coin y'a les jumpers, dans un autre y'a les breakers. Ça se cherche mec, pour être le meilleur. Dans la soirée j'vois Lil Sin, qui me fait un signe. Il me dit de danser, moi j'connais pas les consignes. Moi j'veux un whisky coca, et pas un café mocha. Tiens, vite pas Mika, Mena, Vin et Roca. Si tu kiffes le son, lève les bras au plafond. Si tu te sens bouillant, enlève tes vêtements. Oui. Zouk, zouk, zouk, zoukou dance, dance. Tu danses, tu bouges, vas-y bouge ton boule. Tu danses, tu bouges, ce soir c'est la boum. Tu danses, tu bouges, vas-y bouge ton boule. Tu danses, tu bouges, ce soir c'est la boum. Oui. Bon bah on va aller, je crois que c'est la fin. Ouais, super soirée, franchement, tout au début on s'est éclaté, pas de dérapage, tout le monde était sous. Ouais, voilà, tranquille là. Bon, vas-y, DJ Lucille. Ouais, ciao. Vas-y. Quid.